Anglais, Maltais, Thaïlandais, des à coudre, foudre de chaîne, chaîne aux pieds, pieds de nez, nez précieux, au premier de ces messieurs. Réalité augmentée, distillée, diluée, accrochée au perché, décrochée, recrachée, accrochée, replongée, sans arrêt. Recharger, s'écraser, replonger.